Bonsoir. Vous êtes sur Canal Sud 92.2 FM. Et c'est donc Nuisance. Une émission donc brutiste, s'il en est une. Éminemment brutiste. Donc excusez le silence, l'installation du matériel demande un peu d'attention. Je suis vraiment désolé. Je suis vraiment, vraiment, vraiment désolé. C'est vraiment triste, vous allez devoir supporter rien pendant quelques instants. Encore une fois, excusez le retard. Je comprends, ça peut être pénible. En parlant de retard, c'est donc dû à une mauvaise circulation sanguine que... Le retard afflue. Bon, ce n'est donc pas une plaisanterie, etc. Donc une émission, pour une fois, qui est coutume ou pas. Une émission donc, que vous voudrez supporter avec une seule voix, donc la mienne. Je sais. Ça peut être éminemment pénible d'écouter une seule voix pendant 2 heures, enfin environ, on va dire 1h45, puisqu'il est 9h14. Nous sommes le vendredi 11 mars 2011. Oui, c'est exactement ça, en fait. Le vendredi 11 mars 2011. C'est aujourd'hui. Je devrais peut-être dire ce soir, jusqu'à minuit. En parlant de forme, nous allons écouter un polygone. Un polygone fantasmagorique sur le CD3. C'est évidemment une discussion technique qu'on peut avoir. Soit on le dit, soit on le dit pas. Voilà. Donc c'est l'heure fatidique de Nuisance, l'émission brutiste de Canal Sud. 92.2 FM ou canalsud.net au 40 rue Alfred Duméril à Toulouse. France. Or on the web, canalsud.net. C'est magnifique. Un peu trop de Larsen, comme d'habitude, dans cette émission pourrie. Le matos n'est en rien dans cette tentative de vous rendre complètement sourdingue et imbécile, bien sûr. Non, pas l'imbécilité, la stupidité, la rémanence de la stupidité. Donc, sur le CD1, vous entendrez des sessions Reason, un logiciel de musique que j'ai chez moi, en craqué bien sûr. Malheureusement, je ne peux dire la vérité ce soir, ce serait interdit. Donc voilà, on va avoir du bruit encore une fois dans Nuisance. « Et sur le CD2, des sessions donc ordinateur multiples. Enfin, c'est-à-dire les logiciels sont multiples et variés. Je sais, c'est la souffrance. L'éternité donc de la souffrance à la mort, en passant par tous les autres thèmes récurrents de cette émission. Vous entendrez beaucoup de clics de souris ce soir, car il y a un ordi dans le studio. Et donc sur l'ordi, des pistes diverses et variées. Thank you. Est-ce que je suis là? Est-ce que je suis vraiment là? Est-ce que c'est possible que je sois là? épisode. Thank you. Thank you. podcast sur Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net. Il est 22h05, vous écoutez Nuisance, l'émission de toutes les nuisances. L'émission qui nuise au sens. Bonne écoute. Thank you.

Aristide de nom, quoi, mais je connais pas trop. Alors, il paraît que la poussée est à fond, aussi. Ouais, tu m'avais dit, je crois. J'ai pas eu le temps tellement d'aller. Même à la maison, j'ai un autocollant martini. J'ai un autocollant martini. Moi, je vais rester debout pour le moment pour me réchauffer. Ouais, d'accord. Mais je reste debout avec toi, tu sais. Alors voilà, nous prenons les bâtiments. Le papier, ça va pas du tout par là. Et ça va être bien, on va capter. fait, tu pars de centre-ville, tu prends le tramway, tu vois, avec tes fils, tu prends la gauche, tu prends une sorte de... En fait, c'est cool, les mots. Ouais, on va faire un peu là. Je vais juste aller voir s'ils sont là et pas. Voilà, merci. Allez, ciao, à plus tard. Vous êtes sur Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net. Il est 22h, nous sommes le vendredi 11 mars 2011. Que dire de plus ? Vous écoutiez l'émission Nuisance. Nuisance, c'est fini jusqu'à la semaine prochaine, 21h, 23h le vendredi, sur les ondes de cette antenne. Ciao, ciao.